Être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Je suis pianiste. Tu es pianiste. Il est pianiste. Elle est pianiste. Nous sommes pianistes. Vous êtes pianistes. Ils sont pianistes. Elles sont pianistes. Je suis peintre. Tu es peintre. Il est peintre. Elle est peintre. Nous sommes peintres. Vous êtes peintre. Ils sont peintres. Elles sont peintres. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont.